Une société, ça a des règles. Pour changer les règles, il y a des moyens. Ça n'en fait pas partie. Bafouer les droits de tout le monde parce que toi, tu penses avoir une bonne cause. Écoute, avec l'argument de « j'ai une bonne cause, j'ai le droit », c'est comme ça que des gens d'Al-Qaïda ont fait sauter des tours. Oui, c'est le même argument. C'est une bonne cause. Il y en a qui vont dire « ah, vous exagérez », mais on parle de « l'argument est le même ». Exactement, c'est pas les mêmes conséquences, mais c'est le même argument. Juste, donc j'ai le droit. Ça n'a aucun sens dans une société civilisée. Moi, ce qui me rassure dans le jugement d'hier, c'est que le juge l'ait pris au sérieux et a dit « regarde, là, le meilleur chemin vers la tyrannie, c'est de bafouer les lois ». Parce qu'effectivement, à partir du moment où tu bafoues les lois et que tu prends le pouvoir par la force, les dictateurs, c'est comme ça qu'ils font, hein? Et moi, je suis plus capable d'entendre, il faut pas judiciariser les conflits. Hey, t'as un petit peu, là. Ça veut dire que si moi, je pète la gueule à quelqu'un, mais il veut porter plainte, moi, je dis, hey, ne judiciarise pas ça. Au contraire, il faut judiciariser les conflits plutôt que semer, ouvrir la porte de la violence puis l'anarchie. Il faut enseigner et qu'il faut aller devant les tribunaux. Mais t'as raison, ce qui est dramatique, c'est que ce soit un simple citoyen qui ait porté ça et non pas un gouvernement qui dit « hey, un instant », ou le barreau lui-même qui dit « un instant, il faut que dans une société de droit, la loi soit respectée, on peut les changer les lois, mais il y a un chemin pour ça, puis Bureau Blouin, il a pris le chemin qu'il fallait pour ça ». Ben oui, c'est ça. Bon. Mais Gabriel Nadeau-Dubois a pris, à mon avis, le mauvais chemin, et le fait qu'il n'y ait jamais eu un directeur de cégep inculpé alors qu'ils ont eux-mêmes bafoué les injonctions, ça me scandalise. Hey, je...